à 15, il faut, je dois. Yajibu an, alayya an. Écoutez et répétez. Il faut que je fume moins. Yajib an udakhin aqal. Il faut que je mange moins de pain. Yajib an akul khubz aqal. Il faut que je travaille davantage. Yajib an a'mal akthar. Il faut que je prenne le train. Yajib an akhudh al-qitar. Il faut que je sois rentré à midi. Yajib an a'oud ila al-bayt dhuhran. Il faut que je joue mieux. Alayya an al'ab ahsan. Il faut que vous dormiez plus. عليك أن تنام مدة أطول. Il faut que nous vendions notre voiture. علينا أن نبيع سيارتنا. Il faut que vous gagniez davantage d'argent, Leïla. عليك أن تكسبي مال أكثر. Vous ne devez pas être en retard. يجب ألا تتأخر. Vous ne devez pas manquer votre rendez-vous. يجب ألا تتخلف عن موعدك. Vous ne devez pas prendre le train, ليلى. يجب ألا تأخذ القطار. Vous ne devez pas fumer autant, ليلى. يجب ألا تدخني بهذا المقدار. Vous ne devez pas travailler trop. يجب ألا تشتغل أكثر من اللازم. Vous ne devez pas rester ici. يجب ألا تبقى هنا. Vous ne devez pas oublier de nous prévenir. يجب ألا تنسى أن تعلمنا. Vous ne devez pas tricher au jeu. يجب ألا تغش في اللعب. Vous ne devez pas raconter n'importe quoi. يجب ألا تقول أي شيء كان.